France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 87. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 23 septembre 2007, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es oisif, tu es maire de tous les vices, tu es tir au flanc ou gros fumiste, tu es Gaston Lagaffe, tu es répugnance au travail et tu es aussi... Quelle est ta motivation première? Surtout gagner pas mal de pognon. Pas mal de... T'en fous plein les fouilles, on oui, pourrait dire, ça. D'accord. Surtout m'en fous plein les fouilles, oui. Et ça, on s'en trouve rien foutre, enfin... Oui, voilà. Oui, voilà. Tu l'auras compris, l'ami, ce matin tu es gagné plus, mais en foutant rien, tu es grosse feignasse. Alors, à l'heure où notre communauté nationale doit retrousser ses manches afin de retrouver l'authentique valeur du travail, la paresse n'a pas bonne presse. C'est pourquoi, dans cette France qui se lève tôt désormais, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de s'intéresser à ce péché capital dont le démon est Belphégor. Et pour commencer justement, de Clovis II à Ronald Reagan, il faut offrir une petite relecture un peu particulière de ceux qu'on surnomme les rois fainéants. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons ensemble de dresser un diagnostic de l'épidémie qui frappe le Parti Socialiste depuis quelques mois, sans doute une phlegmatite aiguë. Mais bon, rassure-toi, car ensuite nous irons consulter le professeur Nicolas Sarkozy, qui viendra lui-même nous présenter son plan tolérance zéro contre la glandouille. Cela dit, dans la foulée, nous constaterons que notre président hyperactif rencontre quelques difficultés à mettre au boulot certains membres de son gouvernement. Et enfin, il faudra te raconter comment cette maniaque maîtresse de maison qu'est Monique a pété les plombs le week-end dernier face à la paresse domestique de Jean-Claude et de ses deux mômes. Une seule mission... Tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son, bye aux corneilles, mais ne prends pas racine. Some of them want to abuse you. Some of them want to be a Sweet Dreams, c'est ce que chantait en cadence le groupe Eurythmics en 1983, parce que le rêve du flemmard, c'est de glander chez lui, affalé le dimanche devant Tonton Drucker, en suite bien sûr. Alors, ce matin, la panique au Mansion Palace a donc décidé de se lancer dans l'exploration nonchalante de l'univers indolent de la paresse. Et pour amorcer cette émission, nous allons durant quelques minutes nous intéresser aux champions de cette discipline, à savoir les fameux rois fainéants. Oui, mon ami, la paresse voisine parfois de manière ténue avec le pouvoir. Le petit sobriquet de roi fainéant a été attribué au dernier souverain de la dynastie mérovingienne. Car sache bien avant tout que l'ultime roi mérovingien qui ait réellement conservé un peu d'autorité, et qui n'était pas une feignasse, ce fut... Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Le grand Saint-Éloi lui dit, « Oh mon roi, votre majesté est mal culottée. Sevré, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. » Le bon roi Dagobert Ier, qui régna au début du 7e siècle, a donc remis tout seul sa culotte à l'endroit. Mais à sa mort, ses rejetons, Clovis II et Sigebert III, suivant la tradition salique, se partagèrent son royaume et sa culotte. C'est ainsi que commence, sur le territoire des Francs, le règne de ceux qu'on surnomme les rois fainéants. D'ailleurs, Clovis II préférait, dit-on, un char attelé de 4 bœufs à son cheval fougueux. Eh oui, c'était le bon temps. Au bon temps des rois fainéants. Et depuis 1980, je ne voudrais pas que vous croyiez que je vous abandonne. Je ne voudrais pas que vous disiez Giscard nous laisse tomber. Tiki tiki tik, les jours et les nuits se passaient au lit. J'ai déjà servi. C'est à d'autres de servir à leur tour. Tiki tiki tik, traîné par des bœufs dans un char moelleux. On faisait Paris-Orléans en 3 ans, tout en taquinant les belles pucelles en passant. S'il y avait des circonstances difficiles ou s'il y avait des problèmes graves qui se posent à notre pays, vous pourrez toujours compter sur moi. Autant des rois fainéants, tiki tiki tiki, des rois fainéants. Les rois fainéants. Je suis fatigué, moi. Alors, quelle est l'origine de cette appellation peu glorieuse de roi fainéant ? Eh bien, ce sont les maires du palais, tels Charles Martel ou son fils Pépin le Bref, qui ont confisqué le pouvoir royal aux Mérovingiens et qui détenaient en réalité l'autorité. Ces grands personnages décidaient donc de la destinée de la dynastie mérovingienne, mettant au couvent ou assassinant les descendants gênants. En gros, le mot d'ordre que le maire du palais donnait au roi mérovingien, c'était... Moins tu en fais, plus tu laisses faire, plus ta santé déjà précaire te libère de ses tourments. Gagner ta vie ne vaut pas le coup, attendu que tu l'as déjà, le boulot y en a pas beaucoup. Faut le laisser à ceux qui aiment ça, soit fainéant, soit fainéant. Tu vivras content, soit fainéant, tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps, ce fut un espoir souvent vain pour les rois fainéants. Le dernier des rois fainéants, c'est Childéric III. Son maire du palais, Pépin le Bref, prit sa place fissa et devint le roi des Francs. Childéric III fut tondu, car chez les Mérovingiens, les cheveux longs étaient le signe du pouvoir, et il fut ensuite envoyé dans un couvent. Avec Pépin le Bref, commençait alors la dynastie des Carolingiens, ceux-là même qui créèrent pour renforcer leur légitimité l'image des rois fainéants. Ainsi, il arrive parfois que le pouvoir royal soit proche de la paresse. D'ailleurs, sous l'Ancien Régime, c'est la raison pour laquelle Louis XIV imposait dès 8h du mat la cérémonie du petit lever. Parce que sinon, pour Loulou, c'était... Laisse-moi dormir, jusqu'à plus de midi. Cache-moi le soleil et casse-moi le réveil. Il fait bon tout au fond de mon lit. Il faut dire que, sous l'Ancien Régime, la paresse s'était imposée comme une règle de vie. Ainsi, par exemple, le clergé percevait un impôt, la dîme, sans foutre vraiment grand-chose. Pour toucher l'oseille, le clergé n'avait qu'à dire aux paysans « Oui, bon, d'accord, avec la Révolution, ce fut enfin la fin des glandeurs opulents. Quoique, avec la persistance d'un furieux modèle économique capitaliste, pour les rentiers ou les possesseurs de stock options, c'est vraiment... Bon, c'est sûr, accumuler grassement des fortunes sans rien glander, ça peut paraître scandaleux. Quoique pour certains, aujourd'hui encore, le vrai scandale, c'est quand des cheminots partent à la retraite un peu plus tôt que les autres. Bon, bah, on a les indignations qu'on peut, hein. Mais heureusement, les libéraux au sommet de l'État sont disculpés de toute accusation de fainéantise. Ronald Reagan n'est pas un paresseux, c'est ce qu'a répliqué avec indignation la Maison-Blanche aux insinuations de l'hebdomadaire Newsweek qui avait prétendu que le chef de la Maison-Blanche avait du mal à travailler, paraît-il, plus de 3 heures par jour. Aguez la télévision, Épidor, aguez la télévision, Épidor, aguez la télévision, Épidor, aguez la télévision, Épidor. Agade la télévision, Épidore. Agade la télévision, Épidore. C'est sans doute aujourd'hui l'activité paresseuse la plus répandue. Alors que, quand tu écoutes France Inter, et ça c'est bien, comme là maintenant, eh ben, tu fais souvent un truc en même temps, la cuisine par exemple. Tu n'es donc pas une feignasse et tu conserves alors l'esprit et les dents bien aiguisées. Les dents bien aiguisées. Depuis que je t'ai laissé t'en aller, j'ai appris que je pouvais pas vivre sans toi. Je m'en suis mordu les doigts, mordu. Je suis mordu de toi, mordu. Je suis mordu de toi, je suis mort de trouille. Que tu ne reviennes pas, que tu ne reviennes. J'attends depuis des mois. J'ai appris que ce n'était pas un rêve. Je m'en suis mordu les lèvres, mordu. Je suis mordu de toi, mordu. Je suis mordu de toi. Je suis mort de trouille. Que tu ne reviennes pas, que tu ne reviennes. Jamais comme avant. J'ai compris que t'étais parti pour de bon. J'avais mordu à l'hameçon. Mordu, je suis mordu de toi. Mordu, je suis mordu de toi. Je suis mort de trouille. Que tu ne reviennes pas. Est-ce que tu Mordu, c'est ce que chante le star académicien Patchy Parce que pour les ados qui ne sont pas mordus du boulot, la sanction, c'est simple, c'est pas de chiche kebab. Alors, l'horloge du Mangin Palace nous indique qu'il est désormais 11h20 et après avoir fait la connaissance des célèbres rois fainéants, il est temps dès à présent de nous pencher quelques minutes sur cette épidémie de flegmatite aiguë qui frappe le Parti Socialiste ces derniers temps. Oui, mon ami, la mouche tsetse aurait-elle piqué les héritiers de Jean Jaurès ? Avant tout, il faut savoir que la paresse consiste à ne pas avoir le courage de se mettre à la tâche pour faire ce qu'il est en principe nécessaire pour soi ou pour les autres. Grosso modo, la paresse consiste à glander sérieusement dans l'unique espoir, bien entendu, de se la couler douce. C'est pourquoi d'ailleurs l'Église catholique considère l'oisiveté, suppos de l'égoïsme, comme un authentique péché capital. Cela dit, face aux valeurs du travail et de l'hyperactivité, devenir paresseux apparaît donc comme une attitude subversive. Eh bien, figure-toi qu'à la fin du mois de juin dernier, c'est dans cette perspective de renverser les valeurs sarkoziennes que les principaux ténors du Parti Socialiste se sont retrouvés en toute discrétion pour un sommet secret afin de définir leur nouveau positionnement face au nouveau pouvoir en place. On est bien là, hein? Ah, c'est super. Ça détend, hein. Rien à faire. Rien à penser. Formidable de ne penser à rien. L'esprit libre, la tête vide. Ah, y a rien de mieux. Pépère, cool, paisible. Relax, ne pensez à rien. Qu'est-ce que c'est bon. Formidable de ne penser à rien. Ah oui, ça fait du bien, c'est... Ah, c'est sûr. Tu m'étonnes. Pas besoin de réfléchir. Rien faire, rien. Ah, ça fait vraiment du bien de reprendre le boulot. Oh, formidable, PS. Persuadé d'avoir défini ce jour-là une nouvelle doctrine politique, c'est ainsi que les socialistes sont entrés en léthargie. Mais attention, il s'agit là d'une véritable stratégie, puisque Jack Lang, par exemple, s'est vu confier la mission de noyauter cette commission de réflexion sur les institutions, en y siégeant certes, mais bon, en n'y foutant rien. Alors que Dominique Strauss-Kahn, lui, postule pour la présidence du FMI dans l'espoir d'imposer à la planète tout entière les 20 heures de travail hebdomadaire. Quant au premier secrétaire, François Hollande, désormais, il prend son temps. Je dois dire que l'un dans l'autre, ma carrière a tendance à ralentir ces temps-ci. Et comment occupes-tu tes loisirs ? Oh, je joue... bowling, je me promène. Et ensuite, un bref épisode musical. Ah oui ? Ouais, comme Rodin, Metallica. Ah. Juste pour une de leurs tournées. C'est des gros cons. Et voilà. Après, on s'étonne que les métallos se sentent abandonnés par la gauche. Enfin bon, je te rappelle que la paresse socialiste, c'est une stratégie politique désormais. Il s'agit en effet, de faire croire à l'adversaire qu'on est assoupi pour mieux le coincer par surprise. T'as qu'à croire. Christine Lagarde, par exemple, notre vaillante ministre des Finances, elle n'est pas dupe quant aux socialistes. Ils sont en général dans une situation d'opposition et se coucher tard est une façon de manifester leur indépendance et parfois leur opposition. Et puis, physiologiquement, ils deviennent des couche-tard, c'est-à-dire ils ont un retard de phase. Et vous comprendrez facilement que s'ils deviennent des couche-tard et qu'ils sont obligés de se lever tôt, naturellement, on arrive à une privation de sommeil qui peut avoir des conséquences tout à fait importantes. Et oui, dorénavant, dans cette France qui se lève tôt, celle de Madame Lagarde, eh bien, se coucher tard, pour le Parti Socialiste, c'est une forme d'opposition. Du coup, le matin, le standard téléphonique de la rue de Solferino ressemble un peu à ça désormais. Nous enchaînerons avec un interlude musical. Allô, allô, ne quittez pas l'écoute. Allô, allô, allô. Ne quittez pas les... Quittez pas les... Allô, allô. Seulement allô, voilà. Excédé par cette équipe de tir au flanc, là, Monsieur Jospin, lui, est sorti de son sommeil cette semaine afin de leur ruer dans les brancards. C'est ainsi que la gracieuse Ségolène a subi les foudres de l'austère Lionel. La cigale et la fourmi. Ah, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Oh, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Oh, elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt principal. Hein? Oh! Oh! Oh! » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, monsieur Fortez. Eh bien, dansez maintenant. » Résultat, cette fameuse stratégie de la paresse ne semble pas porter les fruits escomptés pour le PS, puisque l'ambiance est au coup bas et aux réponses bibliques. Encore que, attention, dans ce gigantesque fatras de glandeurs, il y en a un qui ne chôme pas, c'est Bertrand Delanoé. Moi, mon truc, c'est le vélo. Oh, c'est chouette le vélo, ça décontracte. J'irai au bout de mes rêves. Moi, mon truc, c'est le vélo. Alors, en attendant que Bertrand Delanoé aille au bout de ses rêves en vélo, nous sommes allés consulter l'éminent professeur Nicolas Sarkozy afin qu'il nous explique comment on peut lutter, bon sang, contre une crise de flegmatite aiguë comme celle que subissent les socialistes en ce moment. Eh bien, nous allons comprendre avec quelle subtilité le président Sarkozy sait lutter contre la glandouille. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Je vais vous expliquer, M. Chabot. Moi, j'ai toujours travaillé en équipe. Et j'ai une équipe de collaborateurs assez exceptionnelle. Et c'est moi qui les pousse à prendre la parole. François Fillon, il fait d'ailleurs son travail de façon parfaitement remarquable. Et je trouve toujours fasciné de la capacité d'imagination sur les commentaires sur notre relation. Fais-moi voir ta gueule de joueur de bridge. Si agacement il y avait eu, j'aurais constaté certainement, peut-être même avant vous, monsieur Poivre d'Arvor. Travaille-moi ça, joueur de bridge. Sors de ta connerie ou je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Nous savons une chose, c'est que les Français, ils attendent de nous quoi? Des résultats. Je me suis engagé sur des résultats. Les gens n'attendent pas de moi que je sois ici pendant 5 ans, que rien ne bouge, que je dorme tranquillement et que je joue le président de la République. Bande de lopettes, vous allez me faire du parcours en crevant la gueule ouverte. Est-ce que c'est clair? Je n'entends rien. C'est un travail d'animer un gouvernement. Hein. François Fillon, on se donne du mal, on essaie d'écouter. D'abord, on débat, notamment au Conseil des ministres. J'ai voulu des réunions beaucoup plus libre, beaucoup plus ouverte. Écoutez-moi bien, va falloir ne jamais me chier dans les bottes. Est-ce que c'est clair? Oui, chef. À demain. I'd be happy to face the coming of your disgrace. You never seem to erase some sort of bitter taste. In it for the money. To pay, or die choking on cherry, and will it be buried? The man without ear, the man with no spine, the man with no soul, the man without ear. more lies, just trying to hide out your lack of any talent. I'll be happy to face the coming of your day. The Man With No Soul, une petite merveille Frenchie composée par Wax Taylor qui doit se lever tôt pour gagner plus afin qu'un jour on puisse dire « My Wax Taylor is rich ». Alors, la pendule électronique nous indique qu'il est 11h31 et après avoir découvert les méthodes utilisées par Nicolas Sarkozy pour lutter contre la glandouille, il n'en demeure pas moins, chers amis, que notre président hyperactif a démasqué ces derniers temps quelques tirs au flanc au sein du gouvernement. Eh ben bravo ! On évoque même un remaniement ministériel. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir motivé les troupes gouvernementales, puisque tous les mercredis matins, Claude Guéant, l'homme le plus puissant de France, intronise le Conseil des ministres par une formule rituelle anti-glande prononcée en duo avec Nicolas Sarkozy. Bougez, bougez ! Il faut bouger ! Ça va bouger, bouger, bouger, bouger. On veut entendre tout le monde. Faut bouger, bouger, bouger, bouger. On va bouger, bouger. Voilà, la maladie du bouger, bouger, on s'assoit pas. C'est ainsi que depuis plusieurs mois maintenant, terrorisé. Les ministres se tiennent debout durant le Conseil, au garde à vous bien sûr. Seulement voilà, il paraît que certains d'entre eux, pour ne pas dire tous, ne foutent plus rien, ce qui exaspère l'increvable président Sarkozy qui, lui, n'est jamais fatigué. Et vous savez quoi ? Ce matin, j'ai vraiment la niaque, j'ai la pêche, comme tous les matins d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un winner. Par exemple, cet été au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien être number one. C'est par ces quelques mots enjoués que mercredi dernier, Nicolas Sarkozy a accueilli ses ministres. Il s'agissait de détendre l'atmosphère juste avant que le père Fouettard, Claude Guéant, ne prenne la parole pour mettre les choses au clair à propos des quelques feignasses soupçonnées par l'Élysée. À quoi cela servirait-il d'avoir sauvé la France en 1944 pour la laisser périr ensuite ? Aussi, je plains ceux qui, au nom de je ne sais quel principe, viennent actuellement me demander d'augmenter à tout propos le nombre des jours de congé. Je les plains et j'oppose à leur demande, que je qualifie d'insensé, un refus catégorique. L'administration saura se souvenir de ceux qui, à une époque critique pour le pays, ont déserté le champ de bataille de l'effort collectif. La légèreté de ce discours avait pour objectif, bien entendu, de culpabiliser les flemmards. Seulement voilà, la plupart des ministres sont d'ores et déjà au bout du rouleau et certains ne parviennent plus à suivre cette cadence infernale imposée par le tandem Sarkozy-Guéant. C'est d'ailleurs le cas du pauvre François Fillon qui n'a pu s'empêcher de se confier à Jean-Louis Borloo à la sortie du Conseil mercredi dernier. Je suis dépassé. J'ai envie de tout foutre en l'air, d'arrêter d'aller me balader et de plus penser à rien. J'ai envie de démissionner du Conseil. D'aller me coucher. Sanguin, mon gars. Si je m'écoutais, j'irais à la pêche. J'aurais obéir toute la journée. J'irais me coucher dans le foin. Déprimés, les deux hommes se sont engouffrés dans leur safrane au moment même où Valérie Pécresse est allée glisser deux mots à l'oreille de Claude Guéant au sujet de Michel Alliot-Marie. Paresseuse, paresseuse. Paresseuse, est-ce vraiment la paresse? Ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive en négligé de soi. C'est la ouate. Claude Guéant s'est alors précipité dans le bureau de Nicolas pour lui annoncer qu'il en tenait une de tir au flanc. Pécresse venait en effet de lui confier que Mame ne foutait plus rien. Immédiatement, mercredi midi, Mame fut convoquée auprès de Nicolas qui lui demanda quelques explications sur son emploi du temps de l'après-midi. Non, la sieste, ce n'est pas une affaire de feignant, mais bien plutôt au contraire, un vrai travail de titan. C'est un moment forcené d'activité cérébrale, là que les idées géniales ont toujours été trouvées. Archimède dans son bain avait piqué un petit somme, pareil Newton sous l'arbre à pommes, ou Bouddha dans son jardin. Napoléon y concevait ses fameux plans de bataille, c'est là qu'Einstein fit la trouvaille de la relativité. C'est là qu'Einstein fit la trouvaille de la relativité. C'est ça, ouais. Fous-toi de moi en plus. C'est alors que M. Sarkozy a prévenu Mame, si elle ne squatte pas davantage les médias d'ici la fin décembre, c'est très simple, il la fout dehors, mes mères. Et puis, c'est à 15h30 mercredi dernier que Claude Guéant est une nouvelle fois entré dans le bureau du président. En effet, il venait de récupérer les enregistrements secrets des micros planqués dans le bureau de Jean-Louis Borloo. Il s'agissait donc de découvrir les commentaires intimes de Borloo devant sa télévision lors du discours de Sarkozy au Sénat la veille, mardi dernier donc. Comment croire que l'on peut être capable de sortir de l'immobilisme si on n'a pas la volonté de s'extraire du conformisme? Tu vas pas recommencer à flipper, c'est flippant. Comment réformer si on veut pas prendre le risque de la rupture? Eh bien moi je n'ai pas peur de dire, il faut travailler davantage. Cool, tu vas te coller un ulcère avec ton agressivité, t'es déjà jaune comme un coin. Ouais. Je veux la rupture avec l'immobilisme. Alors là, si c'est pour faire règlement de compte à Hockey Corral, vous aurez peut-être mieux annulé le week-end. Nos blocages, ils sont d'abord dans les têtes. Nos blocages, ils sont dans les préjugés. Ils sont dans les a priori. Ils sont dans le manque d'audace. Je vais me faire un petit punch. Ça vous tente? Je vais vous dire les choses. Je pense qu'il faut changer les choses. Oh, je vois que la soirée a super bien dégénéré. L'ouverture des magasins le dimanche. Et je comprends parfaitement que le repos dominical, ça compte. Pourquoi faut-il tout compliquer? Qui joue le jeu? De toute façon, moi j'ai toujours pensé qu'on était dans un monde de flippés. Je rêve d'une société où chacun de vos enfants se levant le matin se dise « c'est possible ». Bon, ben je vais me faire un super café. Et là évidemment, rebelote. Convocation immédiate de Borloo à l'Elysée. Jean-Louis était à peine assis face à Nicolas Sarkozy que Claude Guéant lui a alors demandé s'il ne souhaitait pas qu'on lui serve un petit punch par hasard. Borloo s'est soudainement décomposé et, tant bien que mal, a tenté de se justifier. On me dit que je suis paresseux, que je ne fais que ce que je veux, c'est-à-dire pas grand-chose. On dit que je me repose, je suis désolé. Je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds, franchement désolé. Bon, toi c'est clair, Borloo, t'es viré en janvier. Feignant, va, s'est exclamé Nicolas. Cela dit, très inquiet de cette démobilisation croissante de son gouvernement, M. Sarkozy a alors pris une incroyable décision, celle d'aller prendre conseil pour la première fois depuis son élection auprès de son prédécesseur, pour savoir comment remettre au boulot ses propres troupes. C'est ainsi que M. Sarkozy a donc rendu visite à président Chirac cette semaine. Oui, sauf que voilà, lorsque Nicolas s'est pointé quai Voltaire à Paris, il fut pour le moins surpris. Ben mon gars, ça va pas? J'ai sommeil. Mais tu dors depuis 3 jours. Eh ben justement, c'est le moment, je récupère, je rattrape. Salut. Tu vas pas rester là? Si. Dans ton lit? Oui. Ben, le travail? Je m'en fous! T'es dingo? Je suis fatigué. Depuis 10 ans, je suis fatigué. Je récupère, je te dis. Salut. Alors là, Nicolas Sarkozy en est persuadé. C'est toute la France qu'il va falloir remettre au turbin. Même les vieux pays de feignasses. Mais la tension nerveuse de cette journée fut telle que le soir venu, il était impossible pour Nicolas Sarkozy de s'endormir. Du coup, toujours soucieux du bien-être de son mentor et prêt à tout pour lui rendre la vie plus simple, Claude Guéant, l'homme le plus puissant de France, s'est alors assis près du lit de Nicolas. Fais dodo, colle à mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo, maman est en haut, qui fait du gâteau, papa est en bas, qui fait du chocolat. Fais dodo, colle à mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. C'est ainsi que notre président hyperactif a fini par trouver le sommeil des justes et la nuit fut riche en rêves d'une France qui transpire et qui turbine. Merci Claude. Mais bon, figure-toi que jeudi matin, impossible de réveiller M. Sarkozy. Cloué au pieu, dis donc. Sarko était devenu cossard. T'aurais vu la tronche de Guéant. La France en faillite, je te dis. Je ne peux plus me réveiller, rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers. Cette nuit dure toute la vie. En partant, tu m'as mis le cœur à l'envers. Sans toi, la vie est devenue un enfer. Entortillé dans mes draps, je crois me souvenir de toi. Le grand sommeil d'Étienne Dao, par récence, un tube de l'année 1984. Et oui, quand Dao met l'ambiance, c'est pas bénin. Alors maintenant, pour prolonger notre balade dominicale, il est grand temps à 11h44 de retrouver les aventures hebdomadaires, cocasses et cossardes de nos deux héros, les merveilleux Monique et Jean-Claude. Depuis des années, Monique est une sublime femme d'intérieur, mais le week-end dernier, débordée par les tâches ménagères, Monique a demandé un peu d'aide à son fils Rémi et à sa fille Elsa. À son retour des courses, Monique espérait retrouver la maison nickel. Sauf que voilà, elle découvre le salon et la cuisine dans un état toujours aussi déplorable. Elle exige que son fils Rémi lui explique pourquoi il n'a rien foutu. Alors Rémi, il raconte sa journée. J'ai rien branlé de ma journée, ou plutôt j'ai fait que ça. J'ai fait que ça. Rémi n'a donc pas participé aux tâches ménagères. Monique sent la colère monter en elle et donc fonce Fissa dans la chambre d'Elsa pour trouver là aussi une explication. L'adolescente explique à sa mère que... Je traîne les pieds, je traîne mes casseroles. Je n'aime toujours pas l'école. Écorché mon visage, écorché mes... Justement, des miettes, il y en a partout dans la maison. Monique provoque aussitôt dans la cuisine une réunion familiale extraordinaire. Jean-Claude, Elsa et Rémi se demandent bien ce que leur mère a encore inventé. Et ils ne sont pas déçus de l'annonce que leur fait Monique. Elle ne mettra plus les pieds dans la cuisine tant que le ménage n'aura pas été fait. Rémi est horrifié. Maman, t'es complètement dingue ou quoi? Et où tu vas aller? Et papa et moi? J'ai des problèmes, moi. Alors écoute bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends, je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien, rien, rien à foutre. Mais merde, c'est pas croyable. Ma propre mère se fout de mes problèmes. Je te dirai encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père. Mais je rêve. Ma parole, je rêve. Non, non, mon lapin, tu ne rêves pas. Vous êtes torchés, nourris, couchés, levés, consolés, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monceaux de billes, je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Ainsi, Monique a donc décidé de prendre sa retraite d'employée de maison, de chambrière, de cuisinière et de femme à tout faire pour obliger les fainéants de la famille à bosser un peu. Les paresseux sont angoissés, mais c'est l'esprit léger que Monique va se coucher. Et le lendemain matin, au réveil, Monique, la bienheureuse, savoure sa décision. C'est un jour à rester couché, c'est un jour à ne pas bouger. Et malgré le ciel bleu, je veux garder la tête sous mon oreiller. C'est un jour à rester couché. À partir de maintenant, Monique, qui a décidé de ne plus être l'esclave du ménage, va donc rester couchée toute la journée. Elle compte bien voir ses mômes et le Jean-Claude se mettre au boulot. Une véritable épreuve pour les fainéants de la famille. Voilà 24 heures que Monique fait la grève des tâches ménagères. Elle a passé sa journée au lit à mater la télé en mangeant des cookies. Jean-Claude, lui, est débordé, voire exténué. Alors quand il propose comme repas à son fils Rémi les restes d'un pain de mie rassis, la réponse est plutôt aigre. Y a rien d'autre à bouffer. Quoi, quelque chose de végétal qui pousserait dans la terre, comme une salade ou une tomate. Une tomate, tu te rappelles? Bah avec de l'eau et du sucre, c'est pas dégueulasse. Mais si, c'est dégueulasse, dit Rémi. Jean-Claude décide alors de prendre les choses en main. Il va montrer à cette feignasse de Monique que quand il veut, il peut être un expert en ménage. Pour commencer, Jean-Claude fourre tout ce qu'il trouve dans la poubelle de la cuisine, ce qui lui vaut une remarque désobligeante de sa fille Elsa. Oh, ça en fait un tas d'ordures. Ouais, mais ça nous fera aussi un tas de souvenirs. Tu vas rentrer, saloperie. Elle est pleine, papa, alors c'est à toi de sortir le sac poubelle. Ouais, c'est la règle, c'est celui qui la remplit qui la vide. Non, non, elle est pleine que quand elle déborde. Oh, saleté de poubelle pourrie. Je hais le monde entier, je vais me venger sur le premier qui... Ah, du jus d'ordure. Dans la cuisine, envahie d'ordures et de détritus, Jean-Claude est en pleurs. Il regrette de plus en plus le départ de Monique et il se sent impuissant face à l'ampleur des tâches ménagères. Mais Rémi, lui, adepte de la glandouille, il a trouvé la solution. Un coup de fil au service d'hygiène de la mairie qui leur a envoyé deux spécialistes du nettoyage pour faire l'état des lieux. Attends, il y a combien de poubelles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... C'est encore plein de poubelles. Non, mais tu sais, à mon avis, il a déchargé chez lui. J'ose même pas imaginer. J'ai vu pire, mais c'était une décharge. Oh, la cuisine. C'est la cuisine. Mais c'est pas vrai. Mais si, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. C'est habité, la bouteille est ouverte, le gaz a fonctionné il n'y a pas longtemps. Mais c'est squatté, là, c'est pas possible. Ah bah, je pense qu'on va pas nous croire, hein. Les préposés au service d'hygiène n'en croient pas leurs yeux. Quand elles trouvent Monique dans sa chambre, toujours vautrée sur le lit à se goinfrer de cookies, les reproches fusent, bien entendu. Mais Monique, toujours aussi rebelle, se justifie immédiatement. Bonjour, tristesse. Mais c'est bien ce que je reproche à notre époque, ou au ministre, ou à ce que vous voulez. Enfin, je reproche ça à l'époque actuelle. Les gens n'ont plus le temps d'avoir le temps. Et ça, c'est affreux. Tout le monde est tellement efficace maintenant, c'est la barbe. Efficace, précis, organisé, gna. Moi, je n'ai pas sur la tête, je suis atteinte de paresse. Alors, je prends délibérément des airs paresseux. Outrés d'entendre cet éloge de la paresse, les deux employés du service d'hygiène quittent la maison de Monique et Jean-Claude et vont faire un rapport direct aux plus hautes autorités. Eh bien, laissez-moi vous dire, Madame Chabot, que cette situation est inadmissible et que les Français m'ont élu pour trouver des solutions. Jean-Claude, lui, coincé au bureau, tente d'oublier le travail qui l'attend à la maison. Mais son collègue Hervé s'inquiète. Oh, le zombie! T'as arrosé hier soir ou quoi? Bah, tu penses? Non, j'ai nettoyé, j'ai briqué, j'ai fait 2-3 lessives, et puis voilà tout. Enfin, t'as pas briqué en nocturne, ne me fais pas croire ça. Mais quasi, Hervé. 2h30 pour trouver comment fonctionnait le four. On a bouffé à 1h30. Et les gosses qui gueulaient, papa, papa, on a faim! J'en peux plus, hein. En effet, Jean-Claude n'en peut plus. Alors, quand le soir même, il rentre chez lui, il se précipite dans la chambre où Monique paraisse toujours et Jean-Claude lui demande de revenir sur sa décision. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien. Monique, ébranlée par la détresse du Jean-Claude, décide de reprendre à sa charge une partie des tâches ménagères, mais seulement si tout le monde y met un peu du sien. Et ben voilà, Madame Chabot, j'ai résolu le problème. Fin de l'histoire, le soir même, c'est Jean-Claude qui a fait la cuisine, car il a bon dos, Jean-Claude. Oui, il a le dos fin, quoi, et il fait sur place des pommes dauphines, mais la sauce blanche a mauvaise mine. Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche a mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. C'est Jacques Dutronc qui interprétait en 1968 « Il est 5 heures, Paris s'éveille », l'hymne officiel de la France qui se lève tôt désormais, ou de celle qui se couche tard, ou feignasse, oui. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre exploration au cœur du royaume des fainéants. De Childéric III à Déric sur la Troie, de Sarko Fétou à Monique Fourrien et du nonchalant au oui chien rapide, nous t'avons dressé un panorama réellement incomplet et quelque peu subjectif de ce que peut être ce comportement subversif qu'est la paresse. D'autant plus subversif depuis qu'on sait désormais que la France est en faillite, dis donc, selon M. Fillon. Encore que, selon le Che Guevara de Villepin, les fainéants, c'est pas ce qu'on croit, puisque d'après lui, la situation s'est détériorée depuis qu'il a quitté Matignon. Enfin bon, quoi qu'il en soit, pour sauver la France de la paresse, un seul mot d'ordre. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux. Allez, encore une fois, bande de feignants, là. Le travail, c'est la santé. Rien faire. C'était le subversif Henri Salvador qui fait une contre-proposition au gouvernement pour sauver la sécurité sociale. Voilà, fin du 87e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi la paresse ? Revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure Total Foutrac. Et archi loufoque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux et que je remercie chaleureusement. Merci à toi, vieille canaille. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Benjamin Delagatinée et de Marc Garnvenès, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup à vous deux, c'était impeccable. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci Flora. Merci aussi à Olivier Ferry, notre nouveau stagiaire. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Marie Jarros, documentaliste de l'INA, pour toutes ses recherches. Voilà. Pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès dimanche prochain en direct à 11h sur France Inter. Mais en attendant, d'ici là, surtout, ne lâchez rien. Ciao. Qu'est-ce que c'est que l'oisiveté ? Bah, pour moi, c'est le summum des délices, mais on m'a toujours appris que c'était la mère de tous les vices. Voilà.